Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Al Capone, le plus célèbre des gangsters américains. En 1930, on avait demandé à aux participants à une école de journalistes d'identifier les 10 hommes, en gros, qui étaient en train de faire l'histoire. Et ils ont nommé alors Lindbergh, le président Hoover, le Mahatma Gandhi, George Bernard Shaw. Et ils ont aussi nommé parmi ça, ben, M. Al Capone, si vous voulez, qui faisait partie des 10 personnes dont on pensait que c'était une des personnes les plus importantes de cette époque-là. Le criminologue Jean-Paul Brodeur à l'émission Indicatif présent en février 1999. C'est assez incroyable, cette histoire qu'il nous raconte. L'extrait qu'on vient d'entendre, en tout cas, montre assez clairement à quel point Al Capone était une véritable célébrité, une star à la fin des années 20 et au début des années 30 aux États-Unis. Son allure, sa tenue vestimentaire, son style en sont venus au fil du temps à représenter un peu l'archétype de l'image qu'on associe spontanément aux grands parrains de la mafia et du crime organisé. Et aujourd'hui encore, Al Capone reste probablement l'un des gangsters les plus célèbres de l'histoire. Voici Capone et sa petite Phyllis. Voici Capone et sa petite Phyllis qui lui tient chaud la nuit. Je me suis posé la question, bien sûr, comme vous, pourquoi sommes-nous fascinés par ces gens-là? Mais je pense que c'est parce qu'il y a en nous tous une sorte de goût du record, notamment quand nous savons que nous sommes parfaitement incapables d'en venir à bout de ces records. Nous sommes incapables d'être des grands conquérants, bah tant mieux. Nous sommes incapables de contrôler un secteur à Chicago et de faire tuer nos adversaires les uns après les autres, tant mieux. Mais justement parce que nous en sommes parfaitement incapables, nous sommes, malgré nous, attirés par l'histoire de ces gens-là, qu'ils s'appellent Jean Giscon ou qu'ils s'appellent Al Capone. Mais considérait-il lui-même que sa vie avait été enviable? Un jour, il s'est confié à l'un de ses lieutenants et il a dit « Si j'avais su ce qui m'attendait à Chicago quand Johnny Torrio m'a appelé, eh bien moi, je vous le jure, je serais resté dans le gang des Five Pointers. » Extrait de l'émission Le dossier d'Alain Decaux, diffusé en juin 1986. Juste avant, vous entendiez la chanson de Serge Gainsbourg, vous l'avez peut-être reconnue, Capone et sa petite Phyllis, interprétée par Régine en 1967. Pour nous raconter cette fabuleuse épopée d'Al Capone, je reçois Francis Landlois, qui est professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, spécialiste de la violence et de la culture des armes aux États-Unis. Francis Landlois, bonjour. Bonjour, Jacques. Qu'est-ce qui fait, Alain Decaux en parlait très bien, on est encore fasciné par ce personnage-là, par Al Capone. Qu'est-ce qui fait qu'il nous fascine encore, que c'est encore aujourd'hui, probablement, si ce n'est pas le plus connu des gangsters, l'un des plus célèbres gangsters de toute l'histoire? Bien, absolument. Même le Kazakhstan a des timbres à son effigie. Donc, c'est ça vous vrai. Donne une idée. Oui, oui. Ça vous donne une idée de sa popularité. Je pense qu'il y a à la fois le personnage lui-même, sa flamboyance. Vous mentionniez ses habits, le fait qu'il se montrait en public, qu'il cultivait une image médiatique très forte. Et en plus, il y a aussi cette idée-là d'un zénith rapide. Il est devenu chef du outfit, l'espèce de mafia qui contrôlait essentiellement le crime organisé à Chicago, très jeune. Oui. Et il est tombé très vite, parce que bon, une fois qu'il est passé devant le juge, il s'en va en prison. Et tout d'un coup, ben, non seulement il est mis hors de sa vie de criminel et hors de la vie publique, mais en plus, la maladie l'emporte et on l'oublie, mais il a fini sa vie malade. Et donc, je pense que c'est ça qui fascine. Ça commence quand? Dans quelles circonstances Al Capone fait-il son entrée dans le crime organisé? Donc, c'est en 1919. Il a crapahuté dans les villes, dans les rues de Brooklyn. Il a fait des petits larcins, tout ça. Et il travaille pour un Italien qui s'appelle Frank Yale. Il travaille au Harvard Inn. Et évidemment, Frank Yale a fait une blague avec le nom de son bar. Oui. Il est garde. Yale, Harvard, deux universités. Évidemment, évidemment. Oui. Et il est portier. Et bon, homme de bras, si on veut. Et donc, un soir, un mafieux local rentre là avec sa sœur. Capone dit qu'il lui a fait un compliment. Tout le monde dit qu'il l'a littéralement insulté. Bref, toujours est-il que le mafieux sort un couteau et lui balafre la joue. Mm-hmm. Et donc, c'est de là que vient son nom Scarface. Capone va toujours essayer de cacher cette déchirure qu'il a au visage avec de la poudre. Il va demander qu'on le prenne en photo de l'autre côté de son visage. Bref, il n'est pas fier de ce surnom-là. Mais une chose est sûre, donc, il rentre là. Et ça commence mal. Ça commence très mal. Et donc, Yale l'envoie à un de ses amis qui s'appelle Johnny Torrio, qui travaille pour un des grands chefs de la mafia à Chicago. Et c'est là que Capone va commencer. Donc, il va être garde du corps. Ensuite, il va être portier. Éventuellement, Torrio va lui donner la gérance de son plus gros bar, donc le Four Deuces, donc les 4-2, si on veut. Et c'est comme et ça que ça va commence. Vite. Là. Il gravit les échelons assez vite. Oui. Au début de sa carrière, si on peut dire. Ouais. Oui, il arrive là en 1919. Donc, très rapidement après, le Volstead Act est voté au Congrès américain. Donc, la prohibition commence. Les Torrio et Capone disent on doit vendre de l'alcool. Leur gros patron leur dit non, c'est hors de question, je ne rentre pas là-dedans. Ils vont l'éliminer. Huh. Torrio devient le maître de Chicago. Il organise d'ailleurs le crime organisé. Il va voir les autres groupes. Il leur dit écoutez, il y a de l'argent pour tout le monde, on va se le séparer. Ouais. Capone devient son bras droit et donc on va organiser le crime organisé à Chicago. Et très vite, une chose qui est assez remarquable dans le parcours d'Al Capone, c'est qu'il va se faire remarquer très très vite. Il va devenir une star, une sorte de célébrité. Il est aimé par les gens, en tout cas par une bonne partie de la population de Chicago. Pourquoi? Parlez-moi, Francis Langlois, de ce côté personnage qu'est Al Capone. Al Capone porte tout d'abord des vêtements qui sont flamboyants, beaucoup de vert et de jaune. Donc, apparemment, il y a une rumeur qui dit qu'à Chicago, personne portait ces couleurs-là de peur de se faire tirer à la place d'Al Capone. Il y a ça. Deuxièmement, il cultive une image très particulière dans les médias. Donc, il invite les médias à venir le voir. Et en plus, il y a toutes sortes de rumeurs qui disent qu'il partage son argent. Il est très généreux avec ses pourboires. Et il se montre dans les journaux, il se montre dans les lieux comme le baseball, mais dans les courses de chiens. Il y a plusieurs rumeurs qui tournent autour de lui. Donc, par exemple, cette histoire où est-ce qu'il y a un garçon qui distribue des journaux, il pleut ce jour-là, il rentre dans un restaurant où Al Capone apparemment avait l'habitude d'aller déjeuner. Et Capone lui dit « Bon, ben écoute, garçon, retourne chez toi, j'achète tous tes journaux, et puis voilà, puis voici de l'argent supplémentaire pour des vêtements, puis voici de l'argent supplémentaire pour ta mère, donc voilà ce que tu dois faire. » Donc, il cultive cette image-là de l'homme du peuple. Ouais, un vrai populiste, proche. Oui. Proche du peuple, proche du vrai monde, entre guillemets. Il aime, vous l'avez évoqué, Francis Langlois, il aime et il se sert des médias. Al Capone, ça participe de sa notoriété. On en parle, on y revient dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter cet extrait d'un film que vous avez peut-être vu, Les Incorruptibles, qui est un classique maintenant, réalisé par Brian De Palma en 1987. On y retrouve dans la scène que vous allez entendre, Al Capone, qui est interviewé par des journalistes au moment où il se fait raser chez le barbier. Dans un article qui, je crois, a paru dans un quotidien, un journaliste vous demandait pourquoi, puisque vous êtes ou paraissez être en fait le véritable maire de Chicago, vous n'avez pas été tout simplement nommé à ce poste. Au fond, je vais vous dire, je trouve ça assez touchant. Dans la vie, c'est souvent comme ça. On rit des choses parce qu'elles sont drôles et aussi parce qu'elles sont vraies. J'entends par-ci par-là des esprits moralisateurs dire la place de cet homme est à Sing Sing, mais qu'est-ce qu'il se croit à la fin? Je ne me crois rien, mon seul but, et c'est là que votre journal a peut-être pas tort, c'est de répondre à la volonté du peuple. On n'empêchera pas les gens de boire. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Tout ce que je fais, c'est agir en conséquence. Et toutes ces palabres sur la contrebande d'alcool, c'est quoi la contrebande? Sur le bateau, c'est de la contrebande. Dans les quartiers rupins, c'est de l'hospitalité. Je suis un homme d'affaires. Ça rejoint un peu ce qu'on disait il y a un instant, ce côté populiste. Il en joue, c'est une stratégie. Il cultive, au fond, Al Capone, Francis Langlois. Il se construit sa propre image publique. C'est ça qu'il fait. Oui, tout à fait. Donc, cette construction-là est très contrôlée pendant un certain temps dans sa vie. deux anecdotes qui vont illustrer la chose. Donc, premièrement, à un moment donné, dans les années 20, il reçoit chez lui, de façon tout à fait bonhomme, les journalistes. Et les journalistes rentrent dans la maison et il arrive, il sort de la cuisine, ça sent la sauce à spaghetti. Et il a un tablier. Il est habillé avec sa chemise et sa cravate. Il a un tablier, une louche dans la main pleine de sauce. Tout le monde sait que c'est sa mère qui a fait la sauce. C'est évident. Ouais. Mais il dit, non, j'aime ça cuisiner ici, vivre ma vie familiale, tout ça. Donc, il cultive cette image-là. Ouais. Par contre, il contrôle ce que les gens disent lorsque ça ne lui fait pas plaisir. Donc, lorsqu'il déménage à Cicero, en banlieue de Chicago, un journal local l'attaque assez fréquemment. Un journaliste incorruptible l'attaque de façon assez acerbe. Et donc, des hommes de main de Capone vont, lui faire comprendre de façon forte qu'il ne faut pas faire ça. L'homme se retrouve à l'hôpital et il apprend en sortant que les frais médicaux ont été payés par un monsieur qui est balafré. Ouais. Et finalement, le journal est acheté par Capone éventuellement. Donc, vous comprenez que lorsqu'on se pose à lui, ben, il va finir par trouver un moyen de faire taire la critique. Acheter le journal qui nous critique, c'est déjà un exemple aussi, puis on l'entendait dans l'extrait un instant, de l'importance qu'il a. Les journalistes lui disent à la blague, c'est vous au fond, pourquoi vous ne vous présentez pas, c'est vous le vrai maire de Chicago. Il a vraiment un poids très, très important dans ce Chicago des années 20 et 30, Al Capone. On écoute à ce propos Léon Turoux, un ancien du FBI, qui en parle à l'émission « Les dossiers de l'écran » diffusée à l'ORTF en 1969. Les malheurs à Chicago, surtout, c'était parce que la police, les juges, certains avocats et même les grands fonctionnaires là-bas étaient tous corrompus par l'organisation de Capone. C'était un grand empire bien dirigé par Capone, mais ce n'est pas seulement les prohibitions que Capone était vraiment mêlé. Il avait la prostitution, les gambling, les drogues, la protection, soi-disant, c'était une de, je pense, les revenus les plus lucratifs pour lui. Alors, Al Capone, on le voit bien, on le comprend bien en écoutant cet extrait. Il emmène très, très large dans ce Chicago des années 20-30, dans la part de marché qu'il occupe du crime organisé à Chicago. Mais plus que ça, c'est évoqué dans l'extrait, il corrompt tout le monde. Politiquement, il a un poids énorme, Francis Langlois. Littéralement, le maire de Chicago, Big Bill Thompson, travaille pratiquement pour lui. Lors d'une élection, il affirme haut et fort qu'il va réouvrir ou laisser réouvrir tous les débits de boissons de la ville. Et ça, publiquement, là, donc c'est son slogan. Là, donc, ça donne une idée de la force de Capone. À la fin des années 20, il se produit ce qu'on appelle la Pineapple Primary, donc les primaires de l'ananas, si on veut. Ananas qui rappelle la forme des grenades qui sont lancées pendant cette primaire-là. C'est une primaire extrêmement violente. Beaucoup de gens se font battre, il y a des meurtres, bon, etc. Et donc, ça donne une idée des méthodes qu'il peut utiliser lorsqu'on s'oppose à lui politiquement ou dans les cours de justice. Oui. Autre élément qui est évoqué par cet ancien du FBI, Léon Turoux, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, la nature des activités criminelles d'Al Capone. Parlez-moi de ça, la machine Capone. De quelle nature sont ces activités? Comment fonctionne cette machine d'Al Capone? Donc, ce qu'on appelle le outfit, l'organisation de Capone, était extrêmement bien administré, et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui a engendré sa chute jusqu'à un certain point, mais une chose est sûre, donc, il utilisait des méthodes d'administration qui ressemblent beaucoup à ce qu'on fait maintenant dans les grandes entreprises, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, on parle toujours de la boisson, du trafic d'alcool, ces choses-là, c'est une partie, oui, importante de ses revenus, mais sa partie la plus stable, celle qui garantit que les pots de vin vont être payés au bon moment, celle qui garantit que les employés vont être payés au bon moment, c'est la prostitution, la protection, le jeu. Ça, c'est la base. Ça rapporte la base nécessaire, évidemment, pour des investissements plus, disons, volumineux. Donc, construire une distillerie, ça coûte de l'argent. Ouais. Importer, acheter des camions, payer des chauffeurs, ça coûte de l'argent. Donc, il faut avoir une source régulière, solide, et donc, c'est comme ça. Donc, mais évidemment, l'alcool, c'est ce dont on se rappelle le plus, et c'est pas pour rien. On parlait tantôt de l'image publique de Capone. Capone a beaucoup plus tendance à parler d'alcool. Et apparemment, lorsqu'on lui disait « Oui, mais bon, vous avez des raquettes de prostitution, des choses comme ça », ça le choquait. Il ne voulait pas en parler, il le cachait. Donc, ça vous donne une idée à quel point il contrôlait son image. Voilà, toujours le contrôle de l'image. Comment expliquer que ce personnage-là, qui est si médiatique, qui est si connu, qui contrôle son image, oui, mais on parle de lui, on sait ce qu'il fait, on sait qu'il ne vend pas des fleurs. Comment expliquer que la police ne mette pas la main sur lui? Bien, essentiellement, c'est que dans ce qu'on pourrait appeler la corruption généralisée de Chicago, la police n'y échappe pas, particulièrement après que le gouvernement de l'État de l'Illinois ait décidé de renforcer la prohibition. Jusqu'à ce moment-là, oui, il y a de la corruption, mais vu que la police n'est pas trop sévère, bien, il n'y a pas trop de problèmes. Mais une fois que le gouvernement commence à mettre de la pression, bien là, le crime organisé n'a pas le choix, doit absolument payer policiers, juges, procureur, etc. Et donc, tout le monde se retrouve à un moment donné ou l'autre sur la fiche de paiement du outfit. La violence, ça fait partie de... Il utilise la violence médiatiquement également. C'est quand même assez incroyable, mais ça fait partie de cette technique. Parlez-moi de ça, de cette méthode Capone, l'importance qu'a et quelle forme prend la violence dans les activités dans le Capone. Donc, il y a une violence très publique. Un magasin, une épicerie qui refuse de vendre l'alcool de Capone, bon, va avoir un peu de pression sur le dos. Éventuellement, on va dire, d'accord, il n'y a pas de problème. Éventuellement, la vitrine va exploser. Et là, on va faire comprendre au propriétaire que s'il veut continuer à opérer son commerce, il va falloir qu'il rentre dans le moule comme les autres. Et d'ailleurs, on est prêt à lui prêter de l'argent à des très hauts taux. Donc, vaut mieux plier devant Capone que de résister. Intimidation publique. Intimidation publique. On convainc ce propriétaire d'accepter la protection du clan Capone, mm-hmm. mais il faut que le message soit clair pour tout le monde. La terreur est semée. Toujours. Il faut marcher dans le rang, sinon c'est assez risque et péril. Ça, c'est vraiment typique de la méthode Capone. Il va aussi, c'est également typique de l'ère Capone, il va se retrouver dans des guerres de clans sanglantes pour contrôler le marché de Chicago. Contre qui est-il en guerre? Mais son principal adversaire au début des années 20, donc à partir de 1923 dans ces coins-là, à ce moment-là, il est encore avec Johnny Torrio, c'est la gang des Irlandais du Northern East Side de Chicago qui contrôle une partie de l'alcool. Et eux, bon, finalement, veulent étendre un peu de leurs opérations et s'en prennent aux deux Italiens. Ça brasse quand même énormément, beaucoup de morts. Éventuellement, il y a une trêve, après qu'il y a eu plusieurs morts, il y a une trêve qui est déclarée. Mais les Irlandais veulent se venger des gens qui ont perdu. Et éventuellement, la guerre se termine grosso modo en 1925, parce que là, il y a une trêve qui est déclarée. Mais il faut comprendre que cette année-là aussi, le Thompson, le Tommy Gun rentre dans les rues de Chicago et c'est là qu'il y a beaucoup de balles qui se mettent à être tirées et Capone s'en sort à plusieurs reprises, là, par pure chance. Là, il y a un soir, les Irlandais avaient rempli 10 voitures de tireurs. Ils sont arrivés, ils ont tiré autour de 5000 balles dans le bar où ils se trouvaient. Il y a eu un seul blessé, il avait vraiment mal tiré. Bref, il s'en est sorti par pure chance. Ouais. Ce que ça dit, c'est que oui, effectivement, il a beaucoup de vie. C'est un vrai chat. Et parce que vraiment, il va être très, très souvent ciblé par des attentats. Il s'en tire toujours indemne. On ne sait pas trop comment. Le pic de la violence dans Chicago des années 20, c'est probablement le massacre de la Saint-Valentin, le 14 février 1929. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là, Francis Langlois? Donc, pour prolonger, si on veut, ou renforcer la trêve qu'il y a avec les Irlandais qui ont recommencé à brasser la cage un petit peu, Capone fait organiser une rencontre entre des fournisseurs d'alcool des Irlandais et Boggs Moran, et son état-major, Boggs Moran étant le chef des Irlandais. Et donc, on va lancer cette invitation-là. Les Irlandais s'y rendent. Par peu de chance, Boggs Moran arrive en retard. Donc, il voit la voiture de police arriver. De cette voiture-là descendent deux policiers en uniforme, deux policiers en civil. Est-ce que ce sont des policiers? On ne sait pas. Une chose est sûre, ils ont avec eux des mitraillettes Thompson. Ils font aligner tous les Irlandais qui se trouvent dans le local sur le mur. Ils les abattent à bout portant et ils s'en vont comme ça en plein après-midi. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le massacre de Saint-Valentin. Et à partir de ce moment-là, Capone a le contrôle de tout le crime organisé de Chicago, c'est fini. Donc, c'est une victoire pour lui. En même temps, on dit que c'est le point de basculement, ce massacre de la Saint-Valentin, que c'est à partir de ce moment-là que ça commence, que c'est le début de la fin pour lui. Pourquoi? Bien, il y a deux choses. Donc, tantôt, je parlais de la primaire de l'ananas. Donc, il y a eu beaucoup de violence à ce moment-là. Si on couple ça avec le massacre de la Saint-Valentin, ceci a attiré l'attention de deux grands pans, disons, de la vie de Capone, à savoir le crime organisé, mais panaméricain. Donc, les autres grands mafieux disent il attire beaucoup trop l'attention vers nous, on va le forcer à prendre des vacances. Donc, on va organiser avec lui une arrestation. Il sort d'un cinéma, il a une arme sur lui, on l'envoie pendant quelques mois en prison, d'où il peut gérer ses affaires comme il le fait chez lui. En parallèle, le gouvernement fédéral est écœuré par cette violence-là. Les élites de Chicago sont écœurées par cette violence-là. Et donc, on va monter, on va mettre sur pied des unités pour combattre le crime organisé, particulièrement à Chicago. Mm-hmm. C'est dans cette vague-là que rentre Elliot Ness, par exemple, avec ses Untouchables, donc qui rentrent et qui vont combattre Al Capone et le outfit. Il est passé à l'histoire, Elliot Ness. Il est très, très connu dans notre imaginaire populaire, dans l'imaginaire collectif. Dans les faits, quelle importance a-t-il vraiment, Elliot Ness? Bien, donc, c'est un jeune diplômé. Il sort de l'Académie de police et tout et tout. Il est plein d'ambition. Il va faire des arrestations assez spectaculaires, fermer des distilleries, des choses comme ça, briser beaucoup de bouteilles d'alcool. Mais pour ce qui est de la réalité, ça n'aura pas un grand impact sur les activités de Capone, à part le fait que lui aussi est un peu obsédé par l'attention des médias, ce qui frustre énormément Capone. Donc, il va mettre beaucoup d'attention sur Elliot Ness, qui, dans le fond, n'a pas beaucoup d'impact sur l'ensemble de ses opérations. Et en fait, c'est par le fisc qu'on va rattraper Al Capone. Ça nous permet de parler d'un autre personnage qui, lui, sera moins connu qu'Elliot Ness, mais plus important dans la chute d'Al Capone, Frank Wilson. Oui, donc l'agent Wilson travaille pour l'IRS, donc l'Internal Revenue Service, donc qui, grosso modo, s'occupe des impôts. Et en 1927, le gouvernement fédéral avait passé la loi Sullivan qui permettait de, grosso modo, de taxer les revenus obtenus de façon illégale. Donc, pas besoin de démontrer qu'il y a vraiment un crime. Quand on sait que la personne a des revenus illégaux, on peut les taxer. Ouais. Et donc, si on peut les taxer, si la personne n'a pas payé d'impôts, on peut envoyer la personne en prison. C'est un peu ça l'idée. On peut saisir, évidemment, les biens de la personne. Et donc, Wilson est envoyé sur le cas du outfit, particulièrement celui de Capone. Il recrute des agents à l'intérieur du outfit. Il envoie même des agents à lui, mais il recrute des agents doubles. Certains se font tuer. Et il réussit finalement à mettre la main sur un livre de compte d'un des casinos de Capone qui montre qu'il a d'énormes revenus et qu'il dépense sans compter. Et c'est, comme je vous disais tantôt, ce sont des livres qui sont très bien tenus. Ouais. Et donc, c'est assez facile de tout monter. Oui, tout est là. Ouais. Donc, il se fait arrêter sur une question d'impôt. Ouais. Et le jour de son arrestation, en fait, il s'en va au poste de police et il paye lui-même sa caution de 250 000 $ cash. Mais il va quand même finir, passer avec cette histoire de fisc, passer les dernières années de sa vie en prison, entre autres à Alcatraz. Un mot là-dessus sur la fin d'Al Capone, son déclin physique aussi. Comment ça se passe, ces dernières années de vie pour lui? Bien, surtout en prison, tout d'abord à Atlanta. Beaucoup de rumeurs disent qu'il vit la vie de pacha là-bas, c'est faux. Il est beaucoup abandonné par le reste du crime organisé qui paie à sa femme, disons, une pension minimaliste. Donc, il est abandonné, il se retrouve en prison. Ensuite, le gouvernement de Roosevelt va l'envoyer à Alcatraz. Encore là, il est très isolé. Il y a des tentatives de meurtre sur lui. Et il faut le dire, sa santé décline de façon rapide. Il est atteint de syphilis depuis des années. Et là, non seulement la maladie l'atteint physiquement, mais surtout mentalement, c'est-à-dire que son cerveau, perd des capacités. Et lorsqu'il décède, sa femme raconte qu'il avait l'attention d'un enfant entre 6 et 10 ans. Là. Donc, ça vous donne une idée de d'où il était tombé. Là. Francis Landlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, spécialiste des questions de violence aux États-Unis. Merci beaucoup, Francis. Ça me fait plaisir, Jean. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Capone est mort fou de...